que mes chansons soient des caresses ou bien des poings dans la gueule à qui ce soit que je m'agresse. Je veux vous remuer dans vos fauteuils, alors écoutez-moi un peu. Les pouces mégots et les nez de bœufs, les ringards, les folques, les journaleux. Puis qu'il y a mon nom dans vos journaux, qu'on voit ma tronche à la télé, où je vends ma soupe empoisonnée. Vous m'avez un peu trop gonflé. Je suis pas chanteur pour mes copains, et je peux être teigneux comme un chien. Je déclare pas avec Aragon que le poète a toujours raison. La femme est l'avenir des cons, et l'homme n'est l'avenir de rien. Moi mon avenir est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais bordel, c'est que j'ai mis mon flingue. Je vais pas me laisser emboucaner par les fachos, par les gauchos, tous ces pauvres mecs endoctrinés qui foutent ma révolte au tombeau. Tous ceux qui me traitent de démagos dans leurs torchons que je n'irai jamais. Renaud c'est mort, il est récupéré. Tous ces petits bourgeois incurables qui parlent pas, qui écrivent pas, qui bavent, qui vivront vieux leur vie minable, ont tous dans la bouche un cadavre. De toute façon je chante pas pour ces blaireaux, et j'ai pas dit mon dernier mot. C'est sûrement pas un disque d'or ou un Olympia pour moi tout seul qui me feront virer de bord, qui me feront fermer ma gueule. Tant qu'il y aura de la haine dans mes seringues, je ne chanterai que pour les dingues. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Y'a pas que les mômes dans la rue qui me collent au cul pour une photo. Y'a même des flics qui me saluent, qui veulent que je signe dans leur calot. Moi je crache dedans et je crie bien haut que le bleu marine me fait gerber. J'aime pas le travail, la justice et l'armée. C'est pas demain qu'on verra marcher avec les connards qui vont aux urnes. Je dois dire celui qui les fera crever. Moi ces jours-là je reste dans ma turne. Rien à foutre de la lutte de crasse, tous les systèmes sont dégueulasses. Je peux pas encaisser les drapeaux, quoique le noir soit le plus beau. La Marseillaise, même en reggae, ça m'a toujours fait dégueuler. Les marches militaires, ça me déglingue, et votre république, moi je la tringle. Mais bordel, où c'est que j'ai mis mon flingue? Puis qu'on m'a tiré mon canif un soir au métro Saint-Michel. Je peux plus les pieds dans une manif sans un nunchak ou un cocktail. À Longwy comme à Saint-Lazare, plus de slogan face aux flicards. Mais des fusils, des pavés, des grenades, violés contre la répression en défilant Bastille Nation. Quand mes frangins crèvent en prison, ça donne une bonne conscience aux cons, aux nez de bœuf et aux pouces mégots qui foutent ma révolte au tombeau. Si un jour je me retrouve la gueule par terre, sur ça sera de la faute à Baler. Si je crève le nez dans le ruisseau, sur ça sera de la faute à Bono. Pour l'instant ma gueule est sur le zinc d'un bistrot des plus cralingues. Mais faites gaffe, j'ai mis la main sur mon flingue.